Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. Ben, la traversée internationale du lac Saint-Jean en fat bike sera présentée le 25 février 2017. Déjà, 70 participants de la région ont confirmé leur présence et d'autres athlètes provenant du Chili, Brésil, Suisse et du Moyen-Orient sont attendus. De plus, la compétition sera retransmise dans plus de 60 pays. Donc, David Lacointe, qui est le responsable de l'activité, a mentionné que les 70 personnes de la région se sont inscrites en moins de 24 heures. Ben, cette année, en fait, en une journée, en moins de 24 heures, on avait plus de 70 participants originaires de tout le Québec, un peu partout dans toutes les régions du Québec qui s'étaient inscrits. Donc, on était complet en moins d'une journée. Puis, pour les participants internationaux, c'était aussi des nouveaux pays qui s'ajoutent aux pays qui étaient déjà venus. Donc, c'est-à-dire, on va voir des participants du Chili, des participants de la Suisse, ce sont les pays qui n'ont pas encore été présents. On aura aussi des Belges, des Français, des Américains, des Brésiliens. Donc, un beau plateau international. On aura encore des annonces plus tard avec d'autres personnes qui vont venir de l'international, des pays peut-être exotiques comme des pays du Moyen-Orient. Donc, on est très heureux de l'évolution de l'événement qui permet de faire rayonner le lac Saint-Jean dans tous les pays du monde. Mais moi, ça m'épate. La grosse nouveauté cette année, c'est que les participants vont partir de Roberval pour terminer à Péribonka. Par les années passées, c'était de Péribonka à Roberval. Et David Lecointe explique les raisons. Ben, cette année, en fait, on se concentre sur une équipe avec laquelle on a travaillé l'année passée. On a travaillé avec Road Rider TV qui, avec des diffuseurs internationaux, nous a donné une visibilité dans plus de 60 pays en télévision. Puis, nous a donné accès aussi à Red Bull TV. Donc, on les reçoit à nouveau cette année. On annoncera plus tard avec quels athlètes de calibre international ils vont arriver. Mais l'idée, c'est qu'ils ont accès, ils font du très bon contenu, puis ils ont accès à un réseau de distribution, de diffusion dans un minimum de 50 pays. Puis toutes les chaînes qui avaient acheté les productions de l'année passée ont demandé à en avoir. Puis on en a d'autres qui l'ont demandé. Donc, on aura vraiment une diffusion internationale encore cette année, c'est déjà grand. Mais c'est fou pareil, hein? C'est chez nous, puis les gens réalisent pas comment que ça peut avoir une belle vitrine pareille. Parlons maintenant des Jeux du Québec qui seront présentés du 24 février au 4 mars prochain. Hier, il y avait une conférence de presse à Alma où on annonçait que les Jeux du Québec sont à la recherche de plus de 3000 bénévoles. Et c'est 1000 bénévoles en alimentation, 700 en programmation sportive, également 400 en soutien logistique, 300 en communication et protocole, ainsi que 300 en ressources humaines. Et les derniers 300, ça va se faire en activités culturelles et sociales. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez contacter le 88-758-1410 ou bénévole à commercial jeuduquebec.com. Maintenant, on va parler du centre de ski, le Domiski. Hier, on a parlé avec Guillaume Petrick, qui est le coordinateur du centre de ski, le Domiski, dans le secteur de Dolbeau. Et il nous parle que les inscriptions en vélo de montagne cette année ont plus que doublé. Ben non, dans le volet jeunesse, l'école de vélo de montagne cet été a doublé sa capacité. Dans le fond, il y a eu le double de nombre de jeunes qui sont inscrits, qui ont suivi les cours avec les entraîneurs, donc ça a été une belle progression. C'est ça, dans le vélo de montagne, on a eu beaucoup de participants. On a eu plus de 50 membres actifs qui sont venus dans nos sentiers, qui sont venus constater les améliorations. On s'améliore d'année en année. Cette année, on a eu plusieurs améliorations, autant pour initier la clientèle, on a fait des promotions, des soirées sorties, feu de camp, location de vélo à prix abordable. On a installé des nouveaux modules, l'entretien des sentiers, on a amélioré l'entretien des sentiers. On a installé un lave-vélo supplémentaire au hall des Bleuets. Et pour avoir une belle croissance, il faut avoir beaucoup de soutien et des encouragements. Et la ville de Dolbeau et Intersport et plusieurs autres commerçants s'impliquent énormément pour que le centre de ski se développe. On a aussi un bon soutien quand même de la ville de Dolbeau-Missassigny. Ouais. On a aussi un bon soutien de partenaires privés. Comme cet été, on a eu le Club Vélo 2 Max, on a été partenaire. On a eu Intersport, le Jean Coutu, en Mordoire, ABC Informatique. C'est tous des partenaires qui ont mis leur petite contribution. soit monétaire ou en don de biens matériels pour nous aider justement à offrir une saison estivale digne de ce nom, là, si vous me permettez. Okay. Puis sans compter le fait que les bénévoles portent l'organisme vraiment haut et ils travaillent très fort. Fait que ça aussi, ça permet justement de d'ouvrir la station de plus en plus. Fait que on est dans notre force. Et à peine nommé comme coordonnateur de hockey Saint-Luc-Saint-Jean, ben Dominique Bouchard a remis sa démission à titre de coordonnateur. Bouchard quitte pour des raisons d'emploi. Il a accepté un emploi chez Alcoa à Trois-Rivières. Et bon, si vous êtes intéressé, vous passez à voir les qualifications requises, vous pouvez contacter Normand Vachon par courriel au nvachon@commercialhotmail.com. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec David Lecointe, le coordonnateur de l'activité concernant la traversée internationale du Fat Bike qui aura lieu le 25 février 2017. Et également, j'ai parlé avec Guillaume Pétain du centre de ski, de Domiski. Et aujourd'hui, il faut surveiller, on s'attend des développements importants à ce qui a trait à la survie des castors de Dolbeau aujourd'hui. Le sport à la canne régionale, à danradiosport.com. On s'en occupe.